Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, retour sur l'un des plus grands scandales financiers de la dernière décennie, les pertes astronomiques de la Société Générale en janvier 2008. Cette affaire, vous en avez forcément entendu parler, tant elle a défrayé la chronique à ses débuts, lorsqu'on a appris que la banque Société Générale avait été victime d'une fraude interne de la part de l'un de ses traders qui a conduit à une perte de 4 milliards et 900 millions d'euros. Ce trader, le désormais célèbre Jérôme Kerviel, celui-là même qui allait donner son nom à l'affaire, était décrit à cette époque par la banque comme un Spaggiari des temps modernes. Il avait fraudé, dupé ses responsables, agi unilatéralement et à chaque fois sans que la banque n'ait eu vent de ses activités. Un comble, dans ce milieu où la précision et les contrôles sont des impératifs quotidiens. En vérité, derrière ce scénario se cache une réalité plus prosaïque, celle de l'univers déshumanisé des salles de marché, dans un monde de la technofinance toujours plus complexe, qui noie derrière des chiffres et des équations mathématiques tous ces échanges et où au final on comprend plus grand-chose. C'est le monde du gain tout prix, de la rentabilité poussée à ses pires excès, où tous les coûts sont permis dès lors qu'ils rapportent gros. C'est le dogme de l'accumulation, cette dérive qui a précipité le monde moderne dans la crise. C'est dans ce monde-là que travaillait Jérôme Kerviel. Certes, il est bel et bien coupable d'une partie des faits qui lui sont reprochés. D'ailleurs, il ne les a jamais niés. Mais s'il n'avait fait qu'appliquer des méthodes qui existaient, un mode opératoire admis par la hiérarchie de la Société Générale, tant qu'il était juteux. C'est cette histoire que nous allons vous raconter avec toutes les précautions d'usage, car nous n'en connaissons pas encore l'épilogue judiciaire. La procédure, en effet, pourrait rebondir. Pour en parler en deuxième partie d'émission, nous avons invité la journaliste d'investigation spécialisée dans les questions économiques, Martine Orange, journaliste à Mediapart. Elle enquête depuis plusieurs années sur l'affaire. Vous entendrez également le reportage d'Anaël Verzo qui s'est rendue à l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société Générale où elle a glané les réactions après les informations de notre invité selon lesquelles l'enquêtrice principale dans l'affaire Kerviel aurait été manipulée par la banque. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production Léa Dupuyenquin, Ida Bory, coordination Christophe Barrère, réalisation Pierre Jabot, Coyenne Guyenne et Jérôme Chélius. Programmation musicale Thierry Dupin, comédienne Delphine Valeil. À la technique aujourd'hui Pierre-Yves de Rollin, Tristan Gratalon. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Jeudi 24 janvier 2008, quartier d'affaires de la Défense, Paris, 8h du matin. Depuis quelques jours, une rumeur circule dans les rédactions de la presse économique et dans les salles de marché. La banque Société Générale devrait annoncer des pertes records liées à ses activités sur le marché des subprimes américains. Au pied des deux tours, Chassage et Alicante, fief du troisième groupe bancaire français, à quelques pas seulement de la Grande Arche, les salariés de la banque ne semblent pas inquiets pourtant. Comme tous les matins, on discute, on échange sur les résultats de la veille, on fume une dernière cigarette avant d'aller rejoindre son bureau. Sur le parvis, une pluie fine commence à tomber. Nous sommes à Paris, rappelons-le. Mais à ce moment précis, aucun des salariés n'imagine que c'est en réalité un orage qui s'apprête à éclater sur leur banque, donc sur eux et sur le monde de la finance en général. En effet, une demi-heure plus tard, des journalistes de France Info reçoivent un courriel interne du service communication de la banque. Celui-ci, transféré par un employé de la Générale, contient des informations stupéfiante. La Société Générale est victime d'une fraude en interne portant sur plusieurs milliards d'euros en lien avec les placements sur les marchés boursiers. La perte demeure très importante et toutes les mesures ont été prises pour la circonscrire. Le bénéfice annuel reste quant à lui malgré tout largement positif. Cette situation nécessite une opération de recapitalisation de l'entreprise. Celle-ci est d'ores et déjà garantie. Plus d'informations à venir dans la journée. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans toutes les rédactions. Et très vite, on s'interroge. Que se passe-t-il donc sur le navire Société Générale, ce poids lourd des marchés boursiers, ce fleuron du système bancaire français? Comment peut-il chavirer avec ses 120 000 employés? Quels sont les risques pour les épargnants et les actionnaires? Merci les photographes, merci messieurs. On attend que les photographes s'assoient. Sur le coup de 11h, la banque organise une conférence de presse exceptionnelle. Près d'une centaine de journalistes, photographes et caméramans se pressent pour y assister. Puis, dans les minutes qui suivent, le président de la Société Générale, Daniel Bouton, lui-même, s'approche du micro, le teint blême, et déclare. Dans la journée de samedi, nous avons découvert l'existence d'une position dissimulée, complètement cachée, extérieure à nos livres, à nous, mais logée dans notre champ d'activité de marché. J'ai bien entendu informé immédiatement le gouverneur de la Banque de France, le secrétaire général de l'AMF. Nous avons pris la décision de couper immédiatement, le plus rapidement possible, cette position. La situation était très solide. Nous n'avions pas de problème de solvabilité, même après cette fraude. Ceci étant, pour continuer le développement profitable de tous nos métiers, le conseil d'administration a considéré qu'il était nécessaire de procéder à une augmentation de capital. Tous nos actionnaires seront appelés à y participer également avec des droits préférentiels de souscription. Je crois qu'ils peuvent compter sur la détermination formidable de tout le personnel de cette maison pour pallier complètement les conséquences de cette fraude complètement exceptionnelle. Stupeur, ce que Daniel Bouton vient d'admettre, c'est qu'ici même, à Paris, à la Société Générale, au centre du trading spéculatif sur les marchés, le cœur de l'expertise financière à la française, on a découvert des écarts de position frauduleux de près de 50 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, la somme est telle qu'elle représente une fois et demie la valeur propre de la banque. Malgré l'annonce d'un bénéfice de plusieurs centaines de millions d'euros, la fraude engendrerait une perte directe de 4 milliards 9, soit le prix d'un porte-avions comme le Charles de Gaulle. Des chiffres auxquels s'ajoutent les 2 milliards et 200 millions d'euros perdus sur le marché de subprime. Ceux-là, tout aussi conséquents, vont pourtant très rapidement disparaître de l'équation mathématique. Toujours est-il qu'après des excuses aux salariés et aux clients dont il assure qu'ils ne seront pas lésés par ce préjudice, Daniel Bouton déclare qu'il renonce à son salaire pour 6 mois et qu'il a même remis sa démission au conseil d'administration de l'entreprise. Enfin, le président de la banque explique que la Société Générale va porter plainte pour faux et usage de faux à l'encontre du trader qui est à l'origine de cette manipulation. L'affaire commence. Pourtant, malgré toute sa bonne foi apparente, la thèse de Daniel Bouton, celle d'une fraude isolée, d'un trader fou qui aurait agi sans contrôle et dans le dos de toute sa hiérarchie, laisse perplexes les employés de la banque. Face aux journalistes, certains d'entre eux n'hésitent pas à afficher leur scepticisme sur le postulat de Daniel Bouton. Le secrétaire général de la CFDT, François Chérec, lui, sceptique également, confie ses doutes au micro de France Inter. Ça dépasse l'entendement, c'est incompréhensible, c'est évident. Quand on sait, ces banques, Société Générale en particulier, la pression qui est mise au quotidien sur les employés des banques qui sont au contact des clients pour placer une carte bleue, placer un prêt, toutes les semaines ils sont contrôlés. Certains nous disent qu'ils sont quasiment harcelés pour être efficaces et rentables. On imagine mal qu'une personne puisse jouer, entre guillemets, avec 50 milliards d'euros et provoquer 5 milliards de déficit. C'est incompréhensible. Du côté des responsables politiques de gauche comme de droite, la thèse du trader fou ne passe pas non plus. À l'exception peut-être du gouvernement qui tente d'éviter les vagues, personne, à vrai dire, ne semble croire à la responsabilité d'un seul homme dans un tel naufrage. En milieu d'après-midi, la nouvelle des pertes records de la Société Générale est comme une onde de choc sur l'Europe et sur toutes les places boursières, où les indices, déjà fragilisés par la crise économique, sont à la baisse. À Paris, sur les plateaux de télé, nombreux sont les experts qui mettent eux aussi en doute la version de la Société Générale, à savoir qu'un seul homme a réussi, oui, seul, à abuser tout un système. Pourtant, cette hypothèse, celle d'un rogue trader, comprenez ici courtier escroc isolé et qui aurait réussi à duper tout le monde, est reprise par la presse anglo-saxonne pour tenter d'expliquer la fâcheuse situation dans laquelle se retrouve la banque française. Il est vrai que par le passé, les Anglais ont connu une affaire similaire dans laquelle un trader, par des manipulations boursières et comptables frauduleuses, avait réussi à ruiner l'une des plus prestigieuses banques britanniques, la Barings. C'était en 1995. Toujours de l'autre côté de la Manche, c'est le journal britannique spécialisé dans les questions économiques, le Financial Times, bien informé, qui va donner sur son site internet le nom et la photo du trader concerné par les accusations de Daniel Bouton. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Jérôme. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais laissez-moi un message. Le répondeur de votre correspondant est plein. Le trader fou a désormais un nom et un visage. Il s'agit de Jérôme Kerviel, un jeune homme âgé d'une trentaine d'années, opérateur des marchés pour le compte de la Société Générale depuis 2005. Quand son nom a commencé à circuler hier, Jérôme Kerviel avait une douzaine d'amis répertoriés sur le site Facebook. En début de soirée, il n'en avait plus que quatre. Et pourtant, l'homme par qui est arrivé le plus grand scandale bancaire de tous les temps n'a rien d'un gangster en cavale au volant d'un semi-remorque de billets. D'abord, d'après son avocate, il n'est pas en fuite. Et puis, les presque 5 milliards d'euros évaporés des caisses de la Société Générale, soit grosso modo le PIB du Sénégal, Kerviel ne les a pas emportés avec lui, d'après le patron de la banque, Daniel Bouton. Il avait monté tout seul, dans son coin, sans que ça se sache, un système parallèle de vente et d'achat d'actions en déjouant tous les contrôles. Cet homme, cet escroc, ce fraudeur, ce terroriste, je ne sais pas, monte un système dans lequel les mécaniques de protection, les mécaniques de couverture, les unes après les autres, il réussit à les déverrouiller. À en croire Daniel Bouton, la faute ne reposerait donc que sur un seul homme, un trader en roue libre qui s'est joué de la banque. Mais pour de nombreux experts, cette posture du président de la Société Générale n'a qu'un but, dédouaner la banque de tout manque de vigilance et surtout le système financier lui-même de toute responsabilité. Entendu par les policiers, Jérôme Kerviel reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Oui, il a bien enfreint les règles de la salle de marché en dépassant le plafond autorisé pour ses placements. Oui, il a masqué des résultats, des chiffres, des opérations. Mais non, non, il ne s'est pas enrichi et n'en a tiré aucune contrepartie. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour la banque et surtout sa hiérarchie ne pouvait l'ignorer. Kerviel face à la banque face à Kerviel, le scandale des pertes de la Société Générale va prendre une tournure inédite pour devenir l'affaire Kerviel. De son côté, la machine médiatique s'emballe et au risque de passer à côté de l'essentiel, autrement dit, de savoir comment une banque française a pu, malgré les procédures de contrôles internes et celles de l'État, laisser se dérouler une fraude occasionnant une perte de 5 milliards d'euros, la presse se concentre sur le duel auquel se livrent à grand renfort de communication Jérôme Kerviel et la Société Générale. 2 ans après les faits, Kerviel sera condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis pour faux et usage de faux, abus de confiance et introduction frauduleuse de données dans un système informatique. Il devra verser également 4 milliards et 900 millions d'euros de dommages et intérêts à la Société Générale, condamnation validée en appel et en cassation. À l'exception des dommages et intérêts qui seront annulés tellement ils sont surréalistes, la justice n'a pas statué sur les responsabilités de la banque en charge des contrôles. Quid également de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, donc l'État, censé vérifier le respect des bonnes pratiques de la banque. Autrement dit, dans ce jugement, il y a comme un parfum d'erreur judiciaire et des relents de coupable idéal qui plongent l'opinion publique dans le doute. Doute sur la version de la banque. Alors, comment Jérôme Kerviel a-t-il pu réaliser une telle opération? Et surtout, pourquoi la Société Générale, qui en savait décidément beaucoup plus qu'elle a toujours bien voulu le dire, n'a-t-elle pas réagi plus tôt? Au dernier bulletin météo, tempête sur la zone euro. Fais mon bise, le soleil brille dans ma tête. Au fait, mon nom c'est Joe, grand surfeur des capitaux. Number one sur la vague, je glisse 7 sur 7. Même le jour du Seigneur, je prie l'indice et les valeurs. Dans mon église, les entreprises se vendent et s'achètent à toute heure. Je boursicote le jackpot sur cette planète, y'a que ça qui me botte. Boursicote, aucun pote, avant que ça pète, je me taille une côte. Trader, t'es le meilleur. Je sais, je sais, merci. Trader, t'es un winner. Joe la blood, Joe le maco, Joe la frime, super héros. Stock option à go-go, ouais, je m'en la pète. Leader dans les affaires, marché, bulle financière. Bunga bunga dans ma piscine, ça en jette. Les états d'âme pour ce que ça vaut. J'ai suis un golden boy au niveau. J'anticipe les vis du marché. J'ai pas fini tout dépouiller. Je vous zicote le jackpot. Sur cette planète, y'a que ça qui me botte. Je vous zicote aucun pote. Avant que ça pète, je me taille une côte. Qui défile, je joue les mailles de ta retraite en fin d'année, je me fais une prime et si je perds tu paies la dette, j'investis dans l'environnement, à sa fonction c'est de l'argent, je spécule sur les aliments, le blé, le riz c'est du diamant. Et si jamais ça foire, il sera jamais trop tard. Et si jamais ça foire, je m'envole pour le Qatar. Jackpot sur cette planète, y'a que ça qui me botte. Je vous zicote aucun pote. Avant que ça pète, je me taille une côte. Je vous zicote le jackpot sur cette planète, y'a que ça qui me botte. Je vous zicote aucun pote sur cette planète. Dans la salle des marchés de la Société Générale, au desk Delta One, situé au sixième étage de la tour Alicante, les yeux rivés sur leurs écrans d'ordinateur du matin jusqu'au soir, on retrouve les traders du front office. Ils semblent comme immergés dans un monde parallèle fait de graphiques, de tableaux et de courbes. C'est là que Jérôme Kerviel avait son bureau. Il faisait partie de cette élite au sommet de la pyramide des échanges boursiers qui gère, entre autres, les produits dérivés. Il représentait le front office, c'est-à-dire l'excellence financière française, smart, professionnelle, technique, rigoureuse, opulente, comme dans les films où l'on voit les personnages gérer d'énormes bénéfices en un clic. Quelle claque pour la cohorte des gens normaux qui gagnent en un mois ce que certains traders gagnent en une minute. Jérôme Kerviel était l'un de ces hommes qui permettent à une banque de réaliser ses plus gros gains sur les marchés, ceux aussi qui touchent les plus grosses rémunérations grâce à leurs gigantesques bonus qu'on chiffre bien souvent en centaines de milliers voire en millions d'euros. Pour bien comprendre le paradoxe, ici se concentrent les 10 plus hauts salaires de l'entreprise. On gagne beaucoup plus d'argent que le PDG de la banque, Daniel Bouton, lui-même. Dans cet univers incitatif, c'est le moins qu'on puisse dire, Jérôme Kerviel était de loin celui qui gagnait le moins, mais à qui on demandait, comme aux autres, le maximum de profit au prix d'une attention sans faille, tout en se méfiant de la moindre erreur qui pourrait lui être fatale. Un métier de dingue, qui va conduire le trader à toujours aller plus loin, quitte à dépasser les limites qu'on lui a théoriquement fixées. Et répétons-le, cette situation réelle n'est même pas une métaphore de la crise financière. Non, ce sont les ingrédients réels de la crise. Explication. Le travail de Jérôme Kerviel consistait au départ à effectuer des arbitrages sur les bourses européennes. Le but, pour lui, était de tirer bénéfice d'infimes différences de cours entre des portefeuilles de valeurs cotées. Pour y arriver, il achetait un portefeuille A et vendait au même moment un portefeuille B aux caractéristiques presque similaires. Le bénéfice ou la perte résultait de la différence entre les deux. Il fallait donc pour lui vendre au bon moment et savoir anticiper. Ce mécanisme de compensation permettait parallèlement à la banque de minimiser au maximum les risques. Cependant, dans le cas de Jérôme Kerviel, ce dernier a fini par détourner de façon habile le système en achetant uniquement des portefeuilles A sans les compenser par des portefeuilles B. Ces derniers apparaissaient dans ses comptes, mais n'étant que des procédures fictives. Dans le jargon financier, des écrits sans contrepartie. Cette situation lui permettait donc de jouer beaucoup plus gros, mais par conséquent multiplier aussi les risques par 100%. Jérôme Kerviel se décrit comme solitaire et réservé, discret et courtois. Il a réussi à passer avec succès les entretiens d'embauche. Originaire d'une famille modeste, il ne fait pas partie du sérail de cette caste tout droit sortie des hautes écoles. Il est toutefois titulaire d'un Master Management des opérations de marché qu'il a obtenu brillamment à l'Université de Lyon 2, comme l'explique le doyen d'établissement. C'est un étudiant qui a pas posé de problème, qui a été complètement un étudiant tout à fait normal, très travailleur et avec des très bons résultats. Il n'y a pas eu de question particulière, non. Il y avait une bonne formation pour déjouer. Bah, si vous voulez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui devient cambrioleur et qui a un métier de serrurier. Hein. S'il a une très bonne formation de serrurier, pour cambrioler, c'est un petit peu plus simple. Hein. Jérôme Kerviel, un as de la serrurerie. En effet, son premier poste à la Société Générale en 2000 se situe dans l'arrière-cour, celle du middle office qui regroupe ceux qui sont chargés de faire l'intendance et de contrôler les échanges et les manœuvres des traders du front. Il est donc à bonne école pour apprendre les procédures et savoir éventuellement les détourner. Puis il intègre en 2005 le front office, le centre névralgique des investissements de la banque. Kerviel avouera par la suite aux policiers de la brigade financière avoir dissimulé les premières années à ce nouveau poste quelques millions ici et là pour faire comme les autres traders, c'est-à-dire se créer un matelas en cas de coup dur sur les marchés. Au sein du front office, entouré de polytechniciens, le jeune Breton demeure fasciné par son travail pour lequel il se donne à corps perdu. Mais il montre aussi un sens particulier pour sentir l'évolution des marchés. Il joue, il gagne, puis il rejoue et regagne des sommes toujours plus conséquentes. Sa hiérarchie est ravie et lui fixe des objectifs toujours plus importants. Ainsi comme l'écrit Martine Orange, notre invitée aujourd'hui, en 2007, on lui fixe 55 millions d'euros de résultats réalisés sur des marchés d'arbitrage, soit à lui tout seul, 5 fois le résultat de l'équipe. Une méthode pousse au crime, pour Kerviel, comme pour les autres. Au milieu de l'année 2007, justement, 6 mois avant le grand scandale, le trader est embourbé dans un engrenage infernal. Travaillant entre 10 et 12 heures par jour, il refuse de prendre de vacances, alors qu'elles sont pourtant obligatoires. Pour lui permettre de se reposer, bien sûr, mais aussi pour contrôler son travail par quelqu'un d'autre. Il est à ce moment privé de tout repère et déconnecté de toute réalité. Pour le docteur Marc Valeur, psychiatre, le cas de Jérôme Kerviel s'apparente à celui d'un joueur hypnotisé par la machine, installé dans un casino ouvert à toute heure et qui gagne. Alors, pourquoi s'arrêter ? Ce qui est frappant, c'est qu'on est manifestement dans un monde où l'argent est devenu extrêmement virtuel, et pas seulement au niveau économique, mais aussi au niveau du fonctionnement mental des personnes. Et on a l'impression qu'on est, encore une fois, très proche de ce qui peut se passer dans des jeux de hasard. On est aussi dans un monde qui valorise la prise de risque, qui valorise la prise de décision, comme si, d'un côté, l'homme n'était qu'un individu rationnel économiquement et qu'on pouvait tout comprendre en fonction des prises de décision économiques, mais en même temps qu'il fallait savoir prendre des risques comme si on était en filigrane des enjeux de pouvoir, etc. Donc on voit bien que même dans un monde aussi apparemment rationnel que celui de la finance, peut-être qu'il faut faire une part pour les émotions, pour les sentiments, pour le vertige du pouvoir. Les positions toujours plus délirantes sur les marchés sont couvertes par des manœuvres toujours plus grandes de maquillage du système. Le trader connaît les pirouettes pour détourner les contrôles. Ici, pour bien comprendre le paradoxe, il faut avoir l'idée que Jérôme Kerviel gagne tellement d'argent pour le compte de la banque qu'on estime son bénéfice fantôme à 1,4 milliard à la fin de l'année 2007. Oui, 1,4 milliard, détenu par un seul trader, dissimulé pendant plusieurs mois. Tel est le visage de cette affaire, de cette finance dématérialisée, abstraite, qui est devenue au fil du temps tellement mathématique qu'elle a fini par être complètement incompréhensible, même pour certains professionnels de la branche. Malgré cette situation plus que confortable, à la fin 2007, le trader va subir de plein fouet la crise des marchés et commettre des erreurs dans son appréciation début janvier 2008. Ses positions vont se retrouver déficitaires de 1,5 milliard d'euros. C'est à ce moment-là que la banque prétend avoir découvert le subterfuge et qu'éclate le scandale. Alors, que faut-il en penser ? Que les contrôles ont été déjoués par le trader ou qu'ils étaient en réalité défaillants ? Que la hiérarchie a fermé les yeux sur les positions de Jérôme Kerviel car elle était plus préoccupée par les possibles pertes sur les marchés de subprime ou tout bonnement qu'on a laissé faire Jérôme Kerviel car il gagnait chaque année plus d'argent et qu'au final, dans ce système, la manière de gagner ne compte pas. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. L'affaire Kerviel aujourd'hui, notre invité c'est la journaliste spécialisée dans les questions économiques Martine Orange, journaliste à Mediapart et qui a relancé l'affaire grâce à une enquête et une interview. Nous lui donnerons la parole dans quelques minutes. Du Du début jusqu'à la fin de l'affaire, les dirigeants de la banque ont toujours adopté la même ligne de défense. Jérôme Kerviel a agi dans leur dos, manipulant les chiffres, maquillant ses transactions au nez et à la barbe de la hiérarchie. Pourtant, plusieurs éléments battent en brèche cette version. Tout d'abord, au mois de mai 2008, 4 mois après le scandale, c'est un rapport interne de la Société Générale qui pointe les défaillances des supérieurs de Jérôme Kerviel et qui révèle les complicités au sein même de la banque. Jérôme Kerviel n'est peut-être pas le seul en cause dans l'affaire Société Générale, une affaire qui a coûté 4,9 milliards d'euros à la banque. C'est en tout cas les conclusions d'un rapport réalisé par l'inspection générale de la Société Générale, 71 pages dans lesquelles on découvre que, je cite, « la hiérarchie du trader s'est avérée défaillante dans la supervision de ses activités. Le supérieur immédiat manquait d'expérience. » Première nouveauté du dossier, car jusqu'à présent, la direction avait toujours soutenu que Jérôme Kerviel avait réussi à tromper son monde, à duper sa hiérarchie. On apprend ainsi que des supérieurs qualifiés auraient sans doute pu le stopper à temps. Autre affirmation, le trader aurait bien eu un complice, son assistant en interne, qui aurait saisi les nombreuses opérations de nature frauduleuse. Là aussi, cette citation réfute la thèse d'un Jérôme Kerviel agissant seul. Quelques semaines plus tard, la commission bancaire inflige un blâme et une amende de 4 millions d'euros à la banque pour carence grave du système de contrôle interne. Alors oui, à la lumière de ce fait-là, on peut dire, même si elle ne connaissait pas avec exactitude tous les agissements de son trader, la banque a failli dans son rôle de contrôle des activités. Elle porte avec elle la responsabilité d'avoir laissé pendant près d'un an un trader aux commandes d'investissements monumentaux qui ont causé des pertes records de plusieurs milliards d'euros. Plus grave encore, dans le cadre de l'enquête, il y a ces nombreux témoignages recueillis par la brigade financière qui confirment une certaine bienveillance dont semble avoir bénéficié Jérôme Kerviel de la part de ses supérieurs. Entre 2005 et 2007, en 2 ans d'exercice au front office, on découvre que ce ne sont pas moins de 74 alertes qui ont été envoyées concernant les opérations du trader sur les marchés. Et pourtant, chaque année, on félicitait Kerviel pour ses excellents résultats. Au mois d'avril 2007, un responsable de la comptabilité s'étonne d'écart de 88 millions d'euros existants entre les calculs du front office, la plateforme où officie Jérôme Kerviel et la comptabilité sur 3 contrats futurs autour de l'indice boursier allemand, le DAX, où à chaque fois, il ne semble pas exister de contrepartie. Il notifie par mail au responsable du trading, à ceux de la comptabilité et à ceux des risques, que Jérôme Kerviel effectue des opérations dites fictives. Personne ne semble alors s'en émouvoir. En novembre 2007, l'Eurex, organisme qui gère le plus grand marché à court terme du monde, s'inquiète dans un courriel envoyé à la Société Générale des énormes prises de position de Jérôme Kerviel sur les marchés. Ce à quoi le responsable du service de conformité de la banque répond que tout est normal et que le travail du trader s'inscrit dans une nouvelle stratégie. Enfin, lors de son bilan d'évaluation de l'année 2007, la banque évalue Jérôme Kerviel comme un excellent trader avec une bonne appréhension du business, de l'agressivité dans le trading, bon relationnel avec les vendeurs. Personne ici ne fait la moindre allusion à tous ces deals fictifs ni à toutes les alertes et questions que le travail du trader a posées depuis une année déjà. Ne voulait-on rien voir ? Comment, dans une branche où les contrôles sont permanents et tatillons, où l'expertise des bataillons de polytechniciens est absolue, comment a-t-on pu laisser passer de telles alertes concernant Kerviel ? Plus étonnant encore, en interne, de nombreux documents attestent de l'irritation des salariés et de leurs représentants sur la façon dont l'histoire est présentée par les dirigeants de la banque. Irritation également autour des 100 millions d'euros que la Société Générale a dépensés en frais de communication juste après le scandale de janvier 2008 pour défendre sa position dans les médias. À la veille du premier procès du trader, lors du comité central des services centraux de la Société Générale, un syndicaliste prend la parole pour dénoncer le fait que Jérôme Kerviel est un bouc émissaire dans cette affaire et que la pratique frauduleuse des écritures sans contrepartie, comprenez ici l'achat d'un portefeuille A sans portefeuille B, qu'a utilisé Jérôme Kerviel, est une pratique systématique de la banque et ce, depuis longtemps. Porter quelqu'un au pilori, quel qu'il soit, pour essayer de se dédouaner d'un certain nombre de choses sans avoir la contrepartie des propos me paraît un peu fort de café. Je vous rappelle que nous avons eu un suicidé qui avait travaillé sur les produits de taux. C'était 6 ou 7 mois avant l'affaire Kerviel. On n'a rien retenu. Cette personne avait passé des écritures sans contrepartie qui ont engendré des pertes de plusieurs millions d'euros. On s'aperçoit qu'a priori, en ce qui concerne l'affaire Kerviel, les mêmes choses se sont reproduites. Il devrait être clairement dit haut et fort que maintenant, à la Société Générale, on ne peut plus faire ce genre de choses. Parce que quand l'affaire se passe bien, que l'on rentre dans ses fonds, on ferme les yeux et on dit que c'est très bien. Mais de l'autre, lorsqu'on perd de l'argent, beaucoup d'argent, on dit qu'il y a une faute. C'est totalement inacceptable. Avant de montrer Kerviel du doigt, que la Société Générale montre qu'elle est propre là-dessus. Moralité, si tant est qu'il y ait une morale dans les milieux de la finance. La faute semble bien incomber à tout un système, à une banque incapable de tenir en main ces salles de marché dans lesquelles on joue et pratique des exercices mathématico-financiers tellement opaques que personne n'est plus capable de les déchiffrer. À ce propos, où en sommes-nous? Avons-nous tiré les leçons de ce système et de la crise qu'il a déclenchée avec son cortège de misère sociale? Sensible aujourd'hui, l'affaire Kerviel avec notre invité Martine Orange, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste à Mediapart et que vous enquêtez depuis plusieurs années sur cette affaire Kerviel. Pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui vous interpelle dans cette affaire? Pourquoi vous intéresse-t-elle autant? Parce que nous sommes là devant un cas de storytelling bancaire, financier, comme on en rencontre peu. Et qu'il faut un peu essayer de comprendre, essayer de voir ce qu'il y a derrière cette affaire, au-delà des mots. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le récit, on va continuer avec cet entretien. Un point que nous n'avons pas évoqué, juste effleuré dans le récit, hein, le procès civil en appel de l'ex-trader sur les responsabilités de la perte subie par la banque en 2008, se déroulera du 20 au 22 janvier 2016. La défense de Jérôme Kerviel affirme en effet que les pertes engendrées par les opérations du trader ne sont pas de 4 milliards 9, comme le sens commun l'affirme, et la justice aussi d'ailleurs, mais seulement de 1 milliard et demi. Vous pouvez nous en dire un peu plus Écoutez, ce sujet. Je suis dans l'incapacité de vous donner le moindre chiffre. Oui. Parce que de toute façon, il y a eu une. Nous savons juste que les positions de Jérôme Kerviel étaient équivalentes à des paris d'engagement de 50 milliards à l'époque. Ce que nous savons aussi par le rapport de la commission bancaire, qui établit à ce moment-là les faits, c'est que le jour du 18 janvier, c'est-à-dire au moment où la banque dit découvrir les opérations de Jérôme Kerviel, il est à entre 0 et entre 0 et 100 millions de pertes. Bon. Après, vous avez une opacité totale, puisqu'il n'y a eu aucune expertise, aucun rapport sur les façons dont ont été débouclées, les positions. Et tout dépend, en plus, elles ont été débouclées très vite, en 3 jours, ce qui veut dire que vous allez un peu au massacre quand vous êtes une banque, puisque vous bradez, quoi. Vous bradez pour faire les choses. Donc, et il faut savoir comment ça s'est fait. Et donc, sauf à regarder de façon précise, et il y a un endroit où on peut regarder, où on n'est jamais allé regarder, mais sauf à voir, c'est quoi l'endroit où on n'est jamais regardé? C'est la chambre de compensation Eurex, et où à ce moment-là, c'est le notaire de tous ces marchés, donc il sait exactement tous les mouvements, toutes les contreparties, toutes les choses. Donc en plus de ça, c'est absolument impossible. Je suis dans l'incapacité totale et personne n'est capable de vous le dire les choses, sachant que je signerai rien. Juste une chose, c'est que quand la Société Générale fait sa conférence de presse et annonce ses pertes le 24 janvier au matin, donc elle donne le chiffre de 4,9 milliards. C'est bon. Et toutes les positions, là encore, comme l'indique le rapport de la Commission bancaire, ne sont pas débouclées. Il y a encore plus de 1,5 milliard. Pardon, quand vous dites position débouclée, on veut dire quoi précisément? Parce que c'est très technique, hein. Je pense aux auditeurs. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que tous les contrats qu'a pris Jérôme Kerviel, les opérations financières que Jérôme Kerviel a prises, n'ont pas été revendues. Donc, et il y en a encore pour plus d'un milliard à l'époque. Donc, un milliard, c'est beaucoup d'argent. C'est clair. Et donc, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas dire, alors que vous n'avez pas encore revendu et replacé vos 1 milliard de contrats, quelle est la perte finale. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, d'accord. Et j'ajouterai une dernière chose, c'est que, en général, dans ces opérations sur les produits dérivés, comme il y a toujours des contreparties, il y a des acheteurs et des vendeurs, il y a des gagnants et des perdants. Vous avez déjà vu un gagnant dans cette opération? Moi pas. Et d'ailleurs, tout au long du récit, on a posé la question plusieurs fois, mais comme un gimmick. Parce que franchement, comment peut-on considérer qu'un trader puisse agir seul, sans contrôle, et qu'en fait, il n'a pas fait qu'appliquer les méthodes que la banque lui avait données, ont fait un maximum de profit. Voilà, donc votre intime conviction, c'est quoi? C'est que la perte, c'est la Société Générale, la responsabilité. La responsabilité, même si Jérôme Kerviel a pris des positions de trading qui sont absolument délirantes. Délirantes. Mais il les a prises avec au moins l'assentiment implicite de sa hiérarchie, et en tout cas de la connaissance de la hiérarchie. Parce que faut voir comment est organisée une banque. C'est un système militaire, extrêmement hiérarchisé, extrêmement contrôlé. J'ajoute une chose. J'ajoute une deuxième chose, c'est que je vais essayer de ne pas être trop technique, mais quand même, les marchés sur lesquels interviennent Jérôme Kerviel sont pas du tout des marchés opaques, de gré à gré, où on ne sait pas ce qui se passe entre les banques. C'est un marché extrêmement réglementé. On est sur de l'indice boursier du DAX, c'est-à-dire l'indice de la bourse allemande, et on est sur de l'Eurostock, qui est l'indice des marchés européens, de boursiers européens. C'est des marchés qui sont extrêmement réglementés, extrêmement contrôlés, avec, comme je vous dis, il y a un notaire qui s'appelle une chambre de compensation, qui s'appelle Eurex, qui fait les opérations et les relevés d'opérations tous les soirs. Et puis un gendarme boursier aussi, hein. Et un gendarme boursier. Bien donc sûr. tout le monde est au courant. C'est à la différence d'autres marchés, ces opérations donnent lieu à ce qu'on appelle des appels de marge. J'ai essayé d'être très oui, et pas trop longue, s'il vous plaît. Pas trop longue. Pardon. C'est juste quand on vous demande un dépôt de garantie équivalent à 10% de l'enjeu que vous prenez. Et tous les jours, ces dépôts de garantie sont révisés. S'il y a 10% de baisse, par exemple, sur 3 jours, vous avez perdu votre dépôt de garantie, vous êtes obligé de le remettre. Oui. À partir de ce moment-là, la banque sait, puisqu'elle est obligée Bien de sûr. Verser la trésorerie. Donc elle sait, forcément. Alors, vous avez apporté, grâce aux révélations de Nathalie Leroy, la commandante de police chargée d'enquêter sur l'affaire Kerviel, des informations importantes, puisqu'elle le dit. Maintenant, j'ai été instrumentalisé par la banque. C'est assez courageux de sa part. Hein. C'est une pièce importante au dossier. Comment ça s'est passé, ces révélations-là? Comment elle était amenée à les donner? Qu'est-ce que ça apporte? Elle le raconte, cette ligue. Quand elle arrive en 2008, elle ne connaît rien au milieu boursier et elle fait complètement confiance à la Société Générale. Et puis, elle a l'occasion de reprendre le dossier en 2012 et elle s'aperçoit à partir de ce moment-là qu'il y a un certain nombre de choses qu'on lui a cachées, des témoignages qu'on lui a cachés, qu'en fait, on lui a trié les témoins et les pièces à conviction et qu'elle s'est fait rouler dans la farine, si je puis dire, un peu familièrement. Alors, on va voir en quoi cet élément d'information, un élément nouveau, hein, peut relancer la suite de l'histoire. Martine Orange, on va écouter ensemble un reportage intéressant d'Anaël Verzo, donc de notre équipe, qui a cherché à savoir comment réagit la direction de la Société Générale au témoignage, justement, que vous avez recueilli. Le 19 mai, Anaël s'est rendu à l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Banque pour glaner donc ses réactions de Frédéric Oudéa, le directeur général, puis elle a contacté David Koubi, l'avocat de Jérôme Kerviel. On va entendre ces gens-là et on en parlera ensuite. Société Générale, développons ensemble l'esprit d'équipe. Je me trouve à l'intérieur de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société Générale depuis une bonne heure. Je pose la question, vous répondez après, d'accord ? C'est l'air du jeu. Donc maintenant, vous êtes... Monsieur, vous pouvez rester poli. J'écoute. Oui, vous m'entendez ? Bonjour, oui. Julien Bayou. Je vais essayer de détendre l'atmosphère après la question précédente. Je suis actionnaire. Depuis 2008, le cours de l'action a été divisé par 3. J'ai bien compris que la Société Générale accusait surtout Jérôme Kerviel. Ça fait beaucoup pour un seul homme. C'est d'ailleurs ce qu'a dit la Cour de cassation, qui a jugé la Société Générale co-responsable. Du coup, les nuages s'amoncellent encore sur le cours de l'action. Et peut-être, si vous avez la chance d'être abonné à Mediapart, vous avez pu voir que le cabinet de Michel Sapin vient d'expliquer que peut-être il pourrait revenir sur la fameuse créance de Caribac, donc les 1,7 2 milliards d'euros octroyés en 2009 à la Société Générale, sur le principe qu'elle était victime de fraude. Or, on vient de comprendre qu'elle était co-responsable des agissements de Jérôme Kerviel. Du coup, comment ça se passe pour absorber le choc de ces 2 milliards d'euros? Bon, le contribuable est content, ça fait 100 euros par contribuable, évidemment. Et c'est juste de rendre à l'État et au Trésor ce qui a été indûment perçu. J'imagine que vous êtes d'accord. Mais comment on fait en tant qu'actionnaire pour ne pas pâtir de cette mauvaise gestion par Daniel Bouton et consorts? Donc, est-ce que vous comptez, par exemple, revenir sur les 32 millions d'euros provisionnés pour sa retraite? Est-ce que vous comptez revenir sur les fameuses rémunérations des 105 mieux payés? Est-ce que vous comptez revenir sur les bonus versés aux traders? Comment éviter que ça se retombe sur nous, petits actionnaires, sur les salariés, sur les clients? Merci. Sur l'affaire Kerviel, et je pense que vous mélangez plusieurs choses. Frédéric Oudéa. Il y a la responsabilité pénale de Jérôme Kerviel qui a été définitivement jugé. Directeur général de la Société Générale. Ensuite, il y a, du point de vue du civil, la question du montant des dommages et intérêts qui pourraient être dus par Jérôme Kerviel. Et ça, effectivement, la Cour de cassation a renvoyé le jugement à la Cour d'appel qui aura à prendre sa décision. Cette décision-là n'a aucune conséquence fiscale. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucune remise en cause quelconque de cette déduction de la perte fiscale. Vous payez, si Michel Sapin demande. Non, mais aujourd'hui, il n'y a pas de demande de remboursement puisqu'il n'y a pas de légitimité, mais le droit. Mais il n'y a pas de que si. Nous sommes encore, si vous voulez, monsieur, en matière fiscale, nous sommes encore, je l'espère, dans un état de droit. J'espère aussi, oui. J'espère aussi. On est d'accord. Alors, je passe à peut-être la question 4 et puis la question 6. Question 4. Bonjour, Jean-Pierre Sekeli, actionnaire individuel. Tout d'abord, bravo et merci pour la performance. Voilà, sur Kerviel, chacun peut avoir son opinion. Je crois que j'ai répondu, je ne ferai pas d'autres commentaires. Je suis très clair pour ma part sur les faits. Et je répète, je défendrai cette entreprise avec une totale détermination. Les actionnaires partent. Voilà, nous en avons terminé. Le temps est maintenant venu du cocktail. Vous êtes actionnaire, monsieur ? Oui. Oui. Ah, qu'est-ce que vous avez pensé de l'AG, l'Assemblée Générale? Trop longue. Et Jérôme Kerviel, ça vous dit quelque chose? Comment? Jérôme Kerviel, vous en pensez quoi? Le pauvre garçon, il a raison de se défendre. Il y a un vieux paysan qui m'a dit ceci. Dans un procès, il y en a un qui sort à poil et l'autre tout nu. Ah, voilà le buffet. Alors qu'est-ce qu'il donne là, avec ça ? La satisfaction d'avoir bien joué. Autopromo de la Société Générale. Et si possible, gagner ensemble. Même si on est tout crotté, il y a une fierté, quoi. Il y a une fierté du collectif. Alors, on est au téléphone avec David Koubi. David Koubi, vous êtes l'avocat de Jérôme Kerviel. Et alors, suite au témoignage de la commandante de police, Nathalie Leroy, qui est revenue sur l'enquête dont elle avait la charge de 2008 à 2012, en disant que cette enquête avait en fait été complètement prise en main par la Société Générale et donc que la hiérarchie de Jérôme Kerviel ne pouvait ignorer ses positions, vous avez déposé une demande de révision. Est-ce que vous pourriez nous dire sur quels aspects vous allez faire porter la défense ? Parfaitement, comme vous venez de l'indiquer, il y a un élément nouveau dans ce dossier qui est le témoignage de la commandante de police qui avait la charge des enquêtes pénales de 2008 à 2012. Et cet élément nouveau pour nous est tout à fait crucial puisque cet officier de police judiciaire, convaincu initialement de la culpabilité de Jérôme Kerviel, revient sur le travail qu'elle a exécuté au cours de ces années et indique qu'elle a la certitude que l'enquête a été manipulée par la Société Générale, ce qui constitue donc un élément parfaitement nouveau et qui vient valider ce qui avait été indiqué par Jérôme Kerviel et sa défense depuis l'origine. Donc notre action en révision se fonde notamment sur cet élément nouveau. Par ailleurs, il y a un autre aspect qui suscite l'indignation d'ailleurs de certains politiques, de certains parlementaires, c'est la ristourne fiscale dont a bénéficié la Société Générale de la part de Bercy en 2008, une ristourne fiscale de 2,2 milliards d'euros. Juste pour rappel, le RSA coûte 1,5 milliard d'euros par an, donc 2,2 milliards, ça représente une grosse somme. Est-ce que selon vous, cet argent sera remis dans les caisses de l'État comme l'a visiblement annoncé le cabinet de Michel Sapin ? Eh bien écoutez, c'est à cela qu'on saura si on est dans une démocratie pure et simple ou si, comme nous le dénonçons, la banque fait ce qu'elle peut pour d'une part sauver sa peau et d'autre part protégée par les hautes sphères qui sont au pouvoir dans notre pays. Et quand M. Michel Sapin aura terminé de traiter Jérôme Kerviel d'escroc à chaque fois qu'il sera interrogé, peut-être qu'il pourra faire son travail de ministre et aller récupérer cet argent public, puisque on sait aujourd'hui que cet argent n'était pas dû. Ce qu'il convient de faire aujourd'hui, ce n'est plus de savoir ce que savait Société Générale, mais de dire quand est-ce qu'elle admettra ce qu'elle savait, puisqu'elle n'ignorait absolument rien des opérations de Jérôme Kerviel. Ce dossier est une arnaque, et on est là en face du plus grand casse du siècle, et la particularité de ce casse-là, c'est qu'il est opéré par une banque elle-même, et cette banque, c'est Société Générale. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, merci à Julien Bayou, Laurent Kramer et David Koubi qui se sont exprimés comme quoi l'opacité n'est pas générale, hein, en tout cas pour le travail des journalistes. Ça a été fructueux. On va peut-être commencer, si vous voulez, par cette histoire de déduction fiscale. Alors, ce serait 1,7 milliard, je crois, plutôt que 2 milliards. Alors, c'est 1,7 milliard en 2008, directement en mars 2008. Oui. De façon précipitée, la ministre des Finances de l'époque, Christine Lagarde, a demandé un rapport à l'inspection des Finances. Et l'inspection des Finances a déduit en moins de trois semaines que la Société Générale était blanche et qu'elle n'était responsable de rien, donc il fallait totalement l'aider. Et on est parti donc sur ce chiffre de 4,9 milliards dont je vous dis qu'on ne sait même pas la réalité des pertes puisque c'est ce qu'elle qui nous le dit. Et sur ça, on a donné, non seulement on a fait un carryback, c'est-à-dire que c'est pas seulement un crédit d'impôt, mais on lui a donné un chèque directement, sans attendre des décisions de justice. Alors que normalement, dans toutes les décisions comme ça, on attend que la justice se soit prononcée pour reconnaître la non-culpabilité de l'entreprise. Mais tout ça, ça montre, et on a donné un chèque, ça montre que les banques qui ont été à la fois responsables et victimes de la crise financière, on les a recapitalisées, les États se sont endettés, parce qu'on ne peut pas, de toute façon, ne pas sauver une banque, sinon il n'y a plus d'investissement pour les privés, il n'y a plus d'investissement pour les entreprises, dont les banques. Donc les banques sont toujours en position de gagner même quand elle perd. Oui. Oh. C'est ça que ça nous dit aussi. Il y a ça qui nous dit, mais enfin, je voudrais juste comparer, parce qu'il y a quand même une perte, il y a quand même des choses un peu bizarres. C'est qu'au même moment, la Société Générale, qui officiellement n'est pas engagée dans les subprimes, reconnaîtra au mois de juin qu'elle a en fait 32,7 milliards de produits toxiques de cette prime dans ses bilans, et officiellement ceux-là n'ont pas fait de perte. Vous savez ce que nous disaient les économistes patentés tranquillement, je crois en août 2007, hein, les subprimes, un an avant la crise, qui nous disaient non, en France il y a pas, vous là il y a pas, il y a des procédures. Ils nous le disaient tranquillement. La Société Générale l'assurait à ce moment-là qu'elle était exposée à hauteur de 100 millions. Oui, et puis tous les docteurs en économie qu'on interviewe tous les jours nous le disaient tranquillement, avec la tranquille assurance de celui qui sait. On a vu quelques années plus tard que c'était pas le cas. Bref, parenthèse fermée. Je voudrais compléter juste une chose, parce que c'est ce 1,7 milliard, il a eu un sort assez particulier. Non seulement donc on fait un chèque dans la précipitation pour la Société Générale, dans le même temps, la même année, alors que nous sommes en pleine crise financière, que tout le monde s'inquiète de l'état de solidité des banques et dit qu'elles sont insuffisamment capitalisées, la banque reversera sous forme de dividendes l'équivalent de 400 millions, c'est-à-dire environ la moitié de son résultat annuel, et rachètera des actions, toujours, même année, pour à hauteur de 1,2 milliard, c'est-à-dire à quelques dizaines de millions près, elle a reversé l'intégralité de la somme qu'elle a perçue en mars dans l'année 2008, au moment où vous savez que le système financier est le plus fragile. Alors, quand même, on peut se demander ce qu'a fait l'AMF, le contrôle d'autorité des marchés, quand même, dans cette histoire. On a l'impression que, encore une fois, on retombe sur la même position, ne pas attaquer une banque, ne pas la mettre en une position difficile, mieux vaut de pas voir. L'autorité des marchés financiers. Elle est inexistante. Bah, la preuve, oui. Elle est inexistante, comme dans toutes les grandes affaires. Bon, alors quand même, peut-être que des langues vont se délier. Le témoignage de Nathalie Leroy, il est important quand même, hein, celui que vous avez décroché. Est-ce que les langues vont, à votre avis, pouvoir se délier jusqu'à arriver à une révision du procès de Jérôme Kerviel? Qu'est-ce qu'il faudrait pour la révision? Avant de parler de la révision, il faudrait déjà se reposer des questions, reprendre l'enquête à zéro et se reposer des questions sur quelles sont les pertes, comment on savait, faire des expertises qu'on n'a jamais faites, interroger des témoins qu'on n'a jamais interrogés, se poser la question, par exemple, pourquoi la hiérarchie de Jérôme Kerviel, et ils sont tous partis licenciés officiellement pour faute. Avec un chèque de 7 années de salaire. Je ne connais pas dans les archives du Prud'homme d'indemnité aussi élevée. Pourquoi donne-t-on 7 années de salaire aux supérieurs de Jérôme Kerviel? Et que disent-ils devant la justice? Ils disent à la présidente de la cour d'appel qui leur demande une chose, ils disent non, je ne peux pas parler parce que sinon je devrais rembourser. Il n'y a aucune clause de confidentialité normalement qui tient devant la justice. Alors il nous reste 45 secondes, j'ai envie de vous demander ce que vous dit et ce que nous dit cette affaire Kerviel. Au-delà de l'affaire Kerviel, qu'est-ce qu'elle nous dit des temps que nous vivons? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit d'abord que ces systèmes financiers sont devenus incontrôlables, qu'on a une justice qui est totalement démunie par rapport au monde financier, et que, grosso modo, nous avons une captation complète du système financier de l'appareil d'État, puisque vous les voyez qui, à un moment, arrivent à organiser... leur défense sans susciter ne serait-ce que la moindre question. Et vous allez continuer vos investigations sur cette affaire-là, si j'ai bien compris, il y a encore de quoi explorer. Je le pense. Bien, eh bien écoutez, bon courage, Martine Orange, bon courage, merci et au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Kerviel, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'histoire de Sangatte et surtout de ses occupants.